Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission, les nouveaux enregistrements européens, Last Underground. Alors, j'avais promis déjà il y a un moment une émission spéciale Electro Buddies News Music consacrée en fait à l'électro qui est né en fait en Belgique. Alors, un mouvement électro qui en fait était extrêmement prolifique dans les années 80-90, et donc on va remonter en fait aux origines de cette musique, ce qu'on appelle en fait entre guillemets, du moins en abréviation, le BM, Electro Buddies Music. Voilà, on va commencer tout de suite avec un groupe phare de l'époque de l'Electro Buddies Music, Front 242. Avec un titre qui a eu un certain succès, Headhunter. We'll be right back. Voilà, voilà pour le titre de Front 242 tiré de l'album Headhunter. D'ailleurs, le titre, c'est Headhunter. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait de Front 242? C'est qu'en fait, quelque part, c'est le groupe phare de l'électro-buddhist music qui a officié en fait sur des labels comme PIS, Wax Tracks Records. Et en fait, le groupe est en fait composé de Daniel Bressanutti, Patrick Codenis, Jean-Luc Demeyer et Richard Jonker. Donc le groupe, en fait, c'est très inspiré en fait des, au départ, des musiques industrielles, et a flirté avec de la synth pop, new wave, qui peut être proche en fait du groupe Kraftwerk, du groupe allemand Kraftwerk, et a commencé en fait à durcir un petit peu ses sons dans la fin des années dans la fin des années 80. Donc le groupe a suscité pas mal de polémiques en fait de par en fait son esthétique un petit peu, cette esthétique un peu militariste et avec ses rythmes imposants. Faut savoir quand même que le groupe a marqué la scène électro-buddhiste énormément, hein, puisque on lui doit peut-être. Faut savoir que le groupe est né en 1981, quand même, hein, très très vieux, et peut-être en fait quelque part à l'origine de l'électro-buddhiste music qui nous vient en fait tout droit de Belgique, puisque de toute façon, Front 242 est un groupe belge, voilà. Donc pour Richard Jonker, il est très très connu au sein du groupe avec un nom, Richard 23, voilà pour le groupe. On repassera de toute façon des titres de Front 242. On va passer tout de suite à Poésie Noire, qui est aussi un groupe belge, puisqu'il y aura pas mal de groupes belges, hein. Faut savoir que, comme je le disais auparavant, l'électro-buddhist music est quand même quelque part, nous vient en fait quelque part de Belgique. Voilà, tout de suite, Poésie Noire avec un titre Tame qui est vraiment, vraiment sympathique à écouter. Voilà. Titre qui vient de passer, c'était Signal Out 42, on va en parler tout de suite. Juste avant, c'était le groupe Posy Noir. Alors, le groupe Posy Noir, le titre que j'avais passé juste avant, Signal Out 42, c'est un groupe belge en fait qui a officié pas mal dans les années 80-90 et qui a imposé un univers gothique en fait. Au son synthétique avec une voix très grave hein, comme on aura pu le remarquer. D'ailleurs on passera un ou deux titres du groupe Posy Noir. Il a été classé quand même EBM dans les années 80 et s'est inspiré des groupes comme Aspis Seconde, Agroom, etc. Et devra en fait sa renommée un peu à Neon Judgment, un groupe qui a en fait quelque part est à l'origine aussi de l'électro-bellisme musique avec Frondo 542. Et ce groupe en fait s'est éloigné de l'agressivité industrielle en fait de l'électro-buddhist music pour donner un peu un aspect dark wave. D'ailleurs le titre que j'avais passé juste avant avait en fait une sonorité quelque part assez dark wave, le titre Time. Voilà pour le groupe Posy Noir qui a eu quand même un certain succès en Europe, voilà, et qui était d'ailleurs même passé à la télévision à plusieurs reprises. Je me souviens, j'étais présent. Voilà. Juste après, c'était Signal Out 42. Alors Signal Out 42, c'est un groupe slovène, un groupe qui en fait quelque part a oscillé pas mal. Dans les années 80. Voilà pour le groupe Signal Out 42. Voilà, on va continuer tout de suite avec Borghesia. Borghesia qui a marqué véritablement l'électro-buddhist music en imposant des sons plus industriels. Voilà, on passe tout de suite avec le titre de Borghesia, Young Prisoners. Call. Voilà pour le titre de Borghesia, Young Prisoner. On va revenir sur Borghesia parce qu'il y a un petit erratum. C'est qu'en fait, le groupe Signal Out 42 est un groupe belge. Hein, je me suis trompé tout à l'heure. Et avec le titre You Air tiré de l'album Pro Patria. Voilà, c'est un groupe belge hein, qui en fait a une petite particularité. C'est qu'en fait, il a commencé quand même dans les années 80. Et le groupe Signal Out 42 était en fait deux camarades de classe qui en fait ont décidé de monter sur scène pour s'amuser et jouer des concerts improvisés. Donc c'est un des rares groupes qui n'avait pas de composition appropriée, mais en fait étaient des performances audio et visuelles, beaucoup en fait inspirées des bruits au départ industriels de Tubing Crystal, des tronçonneuses, des tonneaux, etc. etc. Et en plus, ensuite ils sont passés, on va dire, à l'électro. Donc voilà pour Signal Out 42 et ce petit erratum, cette petite erreur. Voilà, juste après, forcément, voilà, c'était donc Borghesia, donc le groupe slovène. Alors, quand on parle de groupe slovène, on parle du groupe Laibar. Si vous suivez les émissions Last Underground, les nouveaux enregistrements européens, j'ai tendance à passer pas mal de morceaux de Laibar sur des thèmes plutôt indus, néo-martial. Et donc, Borghesia, c'est un groupe slovène qui a eu, en fait, une grosse importance en Slovénie et qui a même eu un certain succès. Voilà pour le groupe Borghesia. On a remarqué le côté quand même assez indus de Borghesia, dont sur le titre Young Prisoners. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un des groupes phares de la scène EBM en Europe hein, dans les années 80-90. Voilà, tout de suite on va passer du DAF à Deutsch. Americanich, donc avec un titre, forcément le titre phare du groupe, Der Mussolini. Mussolini. Tanze Mussolini. Voilà pour le titre. Le dernier titre, c'était Poésie Noire. Alors, toujours le groupe belge Poésie Noire avec un titre Tragédie. Voilà, c'était en fait un titre qui faisait partie de leur album phare. Voilà, alors juste avant, j'avais parlé d'un groupe. Alors, forcément, tout à fait intéressant, puisque j'avais parlé de DAF. Alors, DAF, c'est un groupe allemand en fait d'origine de Düsseldorf. Qui en fait a été inspiré par Kraftwerk et Can, donc célèbre groupe allemand électro. D'ailleurs, on passera un titre de Kraftwerk à la fin de l'émission. Et le groupe est né en 78 et en fait a traversé les années 80-90. Et il faut savoir qu'il a été, il a travaillé avec Annie Lennox de Rhythmix, donc un groupe très connu, Rhythmix, qui a fait pas mal de tubes dans le monde entier. C'est un groupe qui s'appelle Deutsch Amerikanisch Freundschaft, qui signifie en fait amitié germano-américaine, assez rigolo d'ailleurs. Et le groupe a quand même eu une grosse influence dans le domaine de l'électro, même s'il n'est pas classé EBM, il a été plutôt classé électro synth pop. Il a eu quand même une grosse influence, et puis forcément Der Mussolini a été un tube en Europe à l'époque. Donc voilà, c'était à souligner pour le groupe DAF. Voilà, on va passer tout de suite à Front 242. Revient donc au groupe belge Front 242, Master Hit, partie 1, partie 2, tiré de l'album d'ailleurs Master Hit. Voilà. Patrick. Voilà pour le groupe avant, c'était Front 242. Ce dernier titre de Deform, c'était Front 242 Master Hit 1 et 2. Et en fait, je me suis trompé, c'était pas l'album Master Hit, qui est en fait un album qui est plutôt Master Hit partie 1 et 2, un maxi 45. Et en fait, il s'agissait de l'album official version pour le groupe Front 242. Juste après, tout de suite, ce fut Deform. Alors, Deform est un groupe en fait français qui vient en fait de la musique électronique et industrielle. Alors, faut savoir que le groupe a quand même officié entre la dark wave, le néoclassique, la musique post-industrielle, la cold wave à ses débuts. C'est un groupe qui a vraiment véritablement apporté une musique innovante. Un groupe composé de Philippe Fichot et Eliane P. Alors cette musique aussi entre l'imaginaire sombre, érotique, onirique et poétique, et donc a apporté aussi quelque part des sons très proches de l'électro bodice musique. Faut savoir quand même que le groupe est quand même assez prolifique, puisqu'il a sorti pas moins de 17 albums, ce qui est quand même assez énorme. Voilà pour Deform, donc ce dernier titre de Deform qui était The Shadow Box. Voilà, on va tout de suite passer au groupe Clinique, un groupe influent dans la scène EBM, avec un titre Suffer in Silence. Thank you. voilà, juste après, ce fut le groupe Clinique. Le groupe Clinique qui en fait a été extrêmement influent sur la scène EBM. C'est un groupe belge, donc qui a commencé en fait dans les années 80, en particulier en 82. Et c'est un groupe au départ qui officiait dans le domaine de l'électro synth pop et dirigé par Mark Verheyen, qui est en fait actuellement le seul membre. Mais faut savoir que Clinique a eu des membres ensuite qui se sont rajoutés au fil des années, au fil des albums. C'était un groupe extrêmement prolifique qui a eu quand même une certaine importance sur la scène belge. Voilà pour le groupe Clinique avec ce titre Suffer in Silence. On va passer tout de suite, on revient à Poésie Noire, donc groupe belge, avec un titre Travel. de Poésie Noire Travel du groupe belge. Et, on va continuer tout de suite avec Nitzer Ebb, avec un titre. On va parler tout de suite de Nitzer Ebb après le titre. C'est Smear Brody. Drown me, drown me, drown me. Voilà pour le groupe Nitzer Ebb. Alors Nitzer Ebb, c'est un groupe britannique qui en fait a été créé dans les années 80 par Douglas McCarthy Vaughan, dit Bon Harris synthétiseur, et David Goudé pour les percussions. Alors faut savoir que le groupe quand même a eu un gros succès et a marqué la scène électro body music EBM énormément, hein, faut le savoir. Il s'associe quand même au pionnier allemand de l'EBM, Die Krups. Ça par contre c'est à remarquer, mais sur leur troisième album il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en fait ils ont eu un certain succès puisque un des titres contient un remix de George Clinton qui a été un succès dans le palmarès américain. Et leur quatrième album, alors, et pas des moindres, a été réfléchi, orchestré et produit par Alan Wilder. Alors, qui c'est Alan Wilder? C'est en fait un membre du groupe Depeche Mode. Donc, vous connaissez peut-être Depeche Mode, hein, c'est un groupe extrêmement commercial, mais qui a quand même à ses départs à flirter avec l'électro-industriel. Donc, voilà pour la parenthèse avec Nitzer Ebb. Voilà, on va passer tout de suite à Skinny Poppy et avec un autre groupe après Skinny Poppy qui en fait est en lien avec Skinny Poppy, mais on va en reparler tout de suite. Voilà, tout de suite Skinny Poppy avec Tormentor. Springs are absolute necessity, not restraints. Assembly Landslide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Frontline Assembly? C'est qu'en fait, c'est un groupe canadien qui en fait est une scission avec le groupe Skinny Poppy. Alors, Skinny Poppy, c'est le titre que j'avais passé juste avant. C'était le titre Tormentor de Skinny Poppy. Ce sont en fait deux groupes canadiens. Qui ont une grosse influence sur la scène électro-beat music, musique industrielle et post-industrielle. Donc ces deux groupes sont en fait quelque part liés. C'est-à-dire qu'au départ, Skinny Poppy a formé son propre groupe, en fait officiant dans le domaine de la musique industrielle, post-industrielle, électro-industrielle, EBM, électro-beat music, rock industriel et dark ambient. Et en fait, la scission du groupe a créé Frontline Assembly avec Willem Schroeder. Alors Willem Schroeder, pareil pour le titre de Frontline Assembly, tout de suite là, c'était au départ Landslide. Donc sur ce titre, Frontline Assembly, quelque part, a été un des groupes qui a marqué profondément la scène canadienne de l'EBM. Mais en même temps, l'indus c'est l'électro. Et faut savoir que Frontline Assembly a quelque chose d'important, c'est qu'en fait, est considéré comme l'un des fondateurs de l'électro-industriel. Voilà. Donc, les membres sont actifs depuis 1986, ils sont passés par énormément de labels, etc. Et ils ont vraiment travaillé dans le domaine de l'industriel, musique industrielle, électro-industriel, métal industriel, BM, etc. Et en fait, le groupe a été extrêmement prolifique. Voilà, donc en fait, ces deux entités entre Skinny Poppy et Frontline Assembly ont été vraiment, ont eu un impact énorme. Voilà pour l'aparté, voilà, de ces deux groupes, en fait, ces liens avec ces deux groupes. Voilà, on va tout de suite passer avec Poésie Noire. Voilà, on revient sur le groupe belge avec un titre Rescou. I'm not afraid to die. Avec Mordorous, voilà un titre quand même qui martèle pas mal. On a remarqué, voilà, on a un petit peu quand même des influences un peu industrielles. Voilà pour le titre d'Anitz Herb. Voilà, c'était l'avant-dernier titre de l'émission consacrée à l'EBM, l'Electro Body Music. Alors, on va terminer avec un dernier titre, alors avec un groupe fondateur sûrement de la musique électronique, enfin moi c'est comme ça que je le perçois. Il s'agit du groupe Kraftwerk. Alors le groupe Kraftwerk est un groupe allemand qui en fait est né dans les années 1970, au départ des années 70, mais a commencé à composer en 1968. C'est absolument énorme. Alors faut savoir que le groupe Kraftwerk a vraiment, alors vraiment eu une influence considérable en Europe et a influencé et peut-être à l'origine de ce qu'on appelle de la techno, de la house music et même du hip hop, ce qui est complètement incroyable. Et faut le savoir qu'ils ont été des expérimentateurs, puisqu'ils ont en fait inventé quelque part ce qu'on appelle le vocodise, ce qu'on appelle le vocodeur aujourd'hui, utilisé par exemple dans une musique plus commerciale. Le vocodeur, ils ont inventé le vocodeur qui a en fait changé les langues, enfin les voix, les paroles en plusieurs langues. Bon voilà, c'est complètement incroyable. Le groupe Kraftwerk a influencé énormément de groupes à travers le monde, à travers les différents styles, les différents genres. Bon, il a eu forcément des scissions, il y a eu des gens qui se sont rajoutés au groupe Kraftwerk. Donc voilà. Alors, pour l'anecdote quand même, le groupe Kraftwerk est originaire de Düsseldorf, et j'en ai parlé tout à l'heure de Düsseldorf, puisque DAF est d'originaire aussi de Düsseldorf, qui ont été influencés par le groupe d'ailleurs Kraftwerk, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, c'était important en fait de mettre un titre en fait à la fin de l'émission du groupe Kraftwerk, pour la bonne et simple raison que quelque part, si il n'avait pas été là, peut-être que l'électro body music aurait pris un autre tournant ou n'aurait pas du tout existé. on peut le citer comme ça. Voilà. Donc on va donc passer un titre du groupe Kraftwerk, tiré de l'album Electric Café, datant du début à la fin des années 80. Et c'est le titre Technopop, alors ça tombe très bien. Voilà pour le dernier titre du groupe Kraftwerk. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre émission, Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Et on retournera au grand classique, parce que j'avais pas mal d'albums, j'ai pris du retard, hein, je le signale quand même aux auditeurs, j'ai pris pas mal de retard du fait de pas mal d'occupations, mais du fait de l'actualité, nous sommes en 2020, nous sommes au mois de mars, et du fait de l'actualité concernant les problèmes du problème de virus, donc nous sommes confinés ici en France, donc je vais avoir un peu plus de temps peut-être pour faire des émissions. Voilà, donc on passera un petit peu plus de, on reviendra en fait aux fondamentaux de des nouveaux enregistrements européens, avec pas mal de titres de type industrial, martial, néoclassique, néofolk, dark folk, voilà, électro-industriel, etc. Donc on reviendra vraiment aux fondamentaux des nouveaux enregistrements européens, Last on the Ground. Je vous dis donc à bientôt, et je vous laisse donc finir avec le groupe Kraftwerk avec le titre Technopop. Music non-stop. Techno-pop. Music non-stop. Techno-pop. Technopump. La música ideas portará y siempre continuará. Sonido electrónico. Decibel sintético. We'll be right back.